mouvement social dont nous parlaient les autres zozos. Oui. Vachement de sympathie, ouais, ils sont vachement sensibles à ce qu'on dit, etc. Oui, il faudrait pas grand chose pour que. Ils pourront mettre autant qu'ils veulent, les gens, il n'y aura jamais le passage du pour que, justement. Oui. Oui, ils ont de la sympathie. Oui, il y a des adhérents, oui, il y a des adhérents. Souviens-toi, il y a des adhérents de la CFDT qui sont dégoûtés par nos tailles, qui sont pas loin de passer, ils sont pas loin de passer à la FSU et au SNES. Ils attendent encore les mecs de la CFDT, les mecs de la CFDT qui sont dégoûtés de nos tailles et qui vont aller au SNES avec les cocos. On les attend. Et quand tu te souviens, je disais, mais il y a une barrière idéologique qu'ils ne franchiront jamais. Mais si, il faut pas grand chose. Ben, oui, bien sûr, ils ont de la sympathie. Bien sûr. Mais jamais ils iront, d'accord, sûr. Oui, non, mais ils passeront jamais. Que... Moi, c'est vrai que je suis tout à fait consciente de la barrière idéologique qu'il y a entre éprouver de la sympathie pour le parti et adhérer au parti. Je crois que le vote, quand même, est un petit peu différent. Au sens où voter communiste de temps en temps, pour des élections très, très spécifiques. Effectivement, me semble pas relever. Ben, pour les élections municipales, par exemple, ça marche plutôt bien pour les élections municipales. Les gens, et même au niveau des reports de voix et autres, ça se passe plutôt bien au niveau municipal. Mm-hmm. Tu vois, mais bon, c'est aussi parce qu'au municipal, on vote plus pour un homme, une équipe, les gens sont plus proches, etc. Parce qu'au fond, l'application au niveau de la gestion municipale, et finalement, même si un maire a beaucoup de pouvoir, qu'est-ce qu'il cherche ? Pas que c'est grave. Même si un maire a beaucoup de pouvoir, enfin de toute manière, il n'y a quand même pas, d'implication nationale d'élire un maire, quoi. D'élire un maire coco. C'est pas lui qui va nationaliser l'entreprise, c'est pas lui qui va te faire perdre ta super bagnole à 30 briques. Oh, justement, c'est paradoxal quand il souhaite un parti de gouvernement. Est-ce que c'est paradoxal ou est-ce que finalement ils n'énoncent pas là la volonté de voir aussi se rapprocher le parti d'un parti qui ne prendrait pas un déplacement du capitalisme ? Bah, je dirais que... Oui, mais dans ces cas-là, en quoi il serait communiste le parti s'il ne prenait plus un déplacement du parti ? Au fond, mais si, tu as raison, en un sens. Mais si tu réfléchis bien... On demande au Parti communiste de ne pas être communiste. C'est-à-dire qu'éventuellement, il pourrait voter pour le Parti communiste le jour où il ne sera plus communiste. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est donc, mais le jour où le Parti communiste n'est plus communiste, on doit dire qu'il n'y a plus de parti. Bon, c'est tout. Dans ces cas-là, on ferme, on supprime le Parti communiste et les adhérents font ce qu'ils veulent. Ils vont chez, je sais pas, moi, chez les socialistes, chez les écolos. Les autres, chez Le Pen. Je pense que si, il serait assez intéressant il serait intéressant pour moi en tout cas, pour mieux comprendre la nature du Parti communiste aujourd'hui et justement ses réticences liées à la formulation du mythe autour du parti, de faire une comparaison avec le parti italien, le PCI. Parce que finalement, si le PCI a pu se transformer comme ça, c'est aussi qu'il n'était pas... fondé sur un mythe. Il était fondé peut-être sur un mythe local, peut-être en Italie, dans une certaine Italie, dans certaines villes rouges, etc., auprès peut-être d'une certaine population qui avait fait la guerre, qui avait lutté contre les fascistes, etc. Mais il ne me semble pas, parce que moins lié peut-être au parti communiste, au Parti communiste de l'Union soviétique et au Parti d'Europe de l'Est, faire partie finalement de cette famille des partis communistes et du mouvement ouvrier. Mmh. Et que peut-être la mutation a été plus simple. Ouais. Bien que je ne souhaite pas que le parti non, mais c'est possible. Devienne... C'est possible ce que tu dis, mais je crois que si le parti de PCI à PDS... Il a pu passer de la PCI à PDS, c'est parce que aussi, il y a une façon plus triviale, l'échiquier politique italien le permettait. En sens, il n'y avait pas de grand parti socialiste en Italie. mais pas grand parti socialiste. Oui, donc, d'accord, au, mais au fond, le PCI pouvait aussi devenir un parti social-démocrate, simplement parce que l'espace était à occuper. Il y avait un espace à occuper. C'est-à-dire qu'il pouvait devenir PDS sans se confondre avec un parti déjà existant. En France, le jour où le PC abandonne le dépassement du capitalisme, apparaît comme un parti de gouvernement de gauche et autres, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il n'a plus qu'à se fondre avec le PS. Alors, disons qu'il constituerait l'aile gauche à l'intérieur du PS. Une tendance gauche ou une tendance ex-communiste à l'intérieur du Parti communiste, Parti socialiste. Mais il ne pourrait pas exister en tant que parti social-démocrate, cohabiter avec le PS. Non, d'accord, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. En fait, ce qui m'intéresserait de voir, c'est comment, finalement, peut-être que vis-à-vis du PCI, il n'y avait pas ce nom idéologique qui s'exprimait avec la même force. À mon avis, non, pour voter, pour mettre... Pour voter par... communisme, parce que le communisme je crois que l'interdit était tout aussi fort, puisqu'il a fallu attendre qu'il liquide son étiquette communiste pour un moment faire partie d'une coalition de centre-gauche qui les conduise au gouvernement. C'est la première fois depuis l'après-guerre que... Non, mais par exemple, au gouvernement, il y a aussi, sans parler du PDS, un parti communiste beaucoup plus radical. Oui, mais qui n'a pas de ministre. C'est la refondation communiste. Ils font partie très faiblement de la coalition. Ils font même pas partie de la coalition. C'est-à-dire qu'ils ont passé un accord électoral avec la coalition et qui leur apporte les quelques sièges qui manquent à la coalition pour avoir la majorité. Mais de toute manière, la refondation communiste dit qu'ils auront une attitude critique vis-à-vis de la coalition. Et il y a hors de question, de toute manière, que le PCI vient... J'ai vu les chiffres, ils ont sur genre la coalition de l'Olivier a eu 256 sièges, ou un truc comme ça, et la Refondation communiste au Parlement, enfin pas au Parlement, mais à l'Assemblée, a eu 35 sièges. Au Sénat, ils ont eu 10 sièges et les autres en ont eu 160. Oui, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose à comparer au niveau du mythe. Ah bah oui, mais c'est un autre mythe encore le parti italien. C'est certain qu'il y a quelque chose à comparer, mais... on peut comparer, mais je ne sais pas si on peut en tirer de grands enseignements. Je ne sais pas si on peut en tirer de grands enseignements, mais ce que je pense en revanche, c'est qu'on peut, en tout cas moi je peux, mieux comprendre la particularité du parti français. En fonction aussi de l'histoire des autres partis politiques. Ah ouais, regarde par exemple le PC espagnol, il est à peu près comme le PC français. Bon, l'histoire a aussi été très différente. L'Espagne et la France, c'est pas tout à fait non plus la même chose. Mais bon, tu vas me dire, pour résumer, oui, quand ils ont été staliniens, ils sont tous dans la même merde, et quand ils n'ont pas été staliniens, ça va un peu mieux, quoi. Mais je suis sûre qu'il y a autre chose, et je suis sûre qu'il y a quelque chose au niveau de cette mythologie. Et cette famille, et cette impossibilité, et ce lien affectif malgré tout, et de la contradiction du lien, etc. Parce qu'en fait, le lien affectif, il peut aussi tout à fait s'exprimer dans la manière dont Parti s'est opposé au reste du monde, enfin, et des partis politiques. Je veux dire, les mythes, ils sont aussi engrangés par des phénomènes comme cela. Oui. Mais... On peut être admiratif de Fidel Castro et détester Cuba. On peut trouver que c'est un grand homme. On peut idolâtrer la Commune et n'y voir que... la défense de la République et rien d'autre. C'est vrai. Donc j'aimerais bien m'intéresser un petit peu à ça. Bah oui, mais surtout que c'est riche, c'est une histoire riche. Enfin, c'est aussi lié, il faut avoir l'histoire de l'eurocommunisme, les relations du PCI et du PCF qui ont été parfois un peu tendues. Le modèle du PCI qui a été pris en exemple par certains. Par certains en France pour orienter ou la transformation du Parti communiste français. Ouais, on remarque qu'on a des tas de doutes là-dessus. Mais l'écueil, enfin, c'est tout à fait intéressant dans une étude comme celle-ci, effectivement, de retrouver peut-être. Je dirais les motivations ou les émotions qui sont masquées par les rationalisations idéologiques. Mais il faudrait, au-delà d'une telle analyse, remonter beaucoup plus loin. Pas enfin, beaucoup plus loin, c'est une mauvaise image. Il faudrait de là repartir. Relancer aussi l'analyse sur la production de de cette émotion et de ces rapports plus ou moins inconscients qu'ont les gens avec le Parti communiste. Et il faudrait en retrouver la cause qui les produit et voir comment, dans le fonctionnement de nos sociétés modernes, nécessairement les subjectivités se construisent en structurant fortement cette interdiction du communisme par précisément le fonctionnement quotidien, immédiat de nos sociétés, ne serait-ce que par le fait de payer avec des billets, d'échanger des marchandises, d'aller travailler. Par exemple, à chaque fois que tu produis quelque chose, que tu fais quelque chose, il faut bien voir que tu reproduis tous les rapports sociaux. Et tous ces rapports sociaux, comment dire, sont porteurs à la fois de leur normalité, donnent le sentiment que leur nature n'est pas historiquement transitoire, mais naturelle, et que donc un parti communiste qui dit vouloir changer ses rapports, ne peut apparaître au fond comme un parti de dingue, puisque ce qu'il veut faire, c'est aller contre les lois éternelles et naturelles. Or, l'interdit de voter communiste, ou même d'adhérer, ou plus profondément d'adhérer au parti communiste, il est aussi tout simplement l'interdit. L'expression que aller contre la nature, contre ce qui est éternel, c'est quand même dingue. En quelque sorte, refuser de voter communiste, c'est refuser d'être dingue. C'est être profondément raisonnable, profondément rationnel. Oui, mais cette référence justement à un parti communiste qui n'existe pas, qui n'a finalement peut-être jamais existé. C'est le recours à la magie. C'est recours à la magie, mais c'est aussi la trace d'une fascination. Oui, c'est le recours à la magie, ou à l'enchanteur, ou à la superpuissance ou au surnaturel, qui seul est capable d'aller à l'encontre de la nature et de l'éternité. C'est celui qui, d'un coup de baguette magique, va changer le monde. Donc, et encore une fois, et ça, je reviens un peu à ce que j'ai dit une fois déjà, c'est que, oui, au fond, ces personnes pourraient être proches du parti, le jour où le parti a accompli sa tâche. Dans ces cas-là, il a montré qu'il avait suffisamment de force pour être le magicien, pour abolir l'ordre naturel qui semblait devoir exister pour toute l'éternité. Bon. Et si je mets l'accent en face, si je dis ça, c'est parce que c'est pour éviter, même si il me semble qu'il sera important d'aller tripatouiller sur ce qu'on pourrait dans ce qu'on pourrait appeler l'inconscient, à défaut de trouver une dénomination, ou plutôt ce qui est plutôt qu'inconscient, dire ce qui se tient ou ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas sous les sous le discours rationnel et idéologique. Plutôt ce qui se dit mais qui ne doit pas être compris au travers d'une idéologie, d'une facilité due à la raison. Alors, il faut quand même aussi, pour éviter de ce que je voudrais éviter, c'est précisément d'interpréter ça en termes psychologiques. C'est-à-dire renvoyer ces raisons non pas à la construction de la subjectivité d'individus, où on pourrait après des analyses faire le rapprochement avec le père, ou je ne sais quoi, la désobéissance, mais montrer que effectivement ces phénomènes sont le produit nécessaire du fonctionnement de nos sociétés. Montrer qu'au fond, l'idéologie n'a pas son moteur en elle-même, mais et cette idéologie particulière, ou secteur de l'idéologie particulière, qui au fond est intériorisée et qui peut peut-être se retrouver uniquement en allant la retrouver dans l'inconscient, eh bien, elle n'a pas son moteur en elle-même, elle a son fonctionnement, elle a sa cause, son origine dans le fonctionnement matériel de nos sociétés, ce qui est en sens très, très matérialiste, mais qui évite au fond de devoir après essayer de trouver les causes, donc aussi les solutions, dans des moyens psychologiques. Mais qui pourrait très bien aussi conduire à la constatation de l'impossibilité de lever cet interdit. Donc, ce qui voudrait dire aussi que, par exemple, la voie de la transition démocratique vers le socialisme est une impasse nécessaire. On ne pourra jamais. Oui. Pour revenir un petit peu à ton refus de développer des idées qui pourraient avoir une inscription un petit peu psychologique. Moi, je crois qu'il y a que tu ne peux pas faire l'économie de cet arrêt sur ce qui peut être des résidus de la psychologie. Non, mais je dis... Par exemple, quand on parle... Quand une fascination s'exerce aussi sur l'idée que le parti, c'est le parti du refus, de la contestation, etc. Je ne dis pas qu'il faut le comprendre en relation au père, à la transgression de l'interdit, je ne sais quoi encore, mais il y a quand même quelque chose qui structure le parti et qui structure la manière dont les gens vont percevoir. Oui, non, ça je suis d'accord. Et ça, c'est des éléments psychologiques. Oui, je suis d'accord de dire que c'est des éléments psychologiques. Mais là, quand je dis je préfère éviter une interprétation psychologique de ces éléments psychologiques, c'est-à-dire qu'à mon avis, l'ensemble de notions qui permettraient d'en rendre compte, à mon avis, il ne faut pas aller les chercher dans la psychologie ou la psychanalyse, mais il faut plutôt aller tenter de les chercher justement dans le marxisme. Justement. Ou dans la théorie de l'idéologie. Il y aurait, encore une fois, à mon avis, il y a trois niveaux de discours, justement. Mmh. Il y a cette idéologie au carré qu'on nous donne. Là. Oui. Ensuite, il y aurait à montrer les mécanismes psychologiques qu'il peut y avoir. Tel que ça s'exprime et tel que finalement il y a une cohérence qui peut se mettre en place dans le comportement de ces gens et dans la manière dont ils vont aussi intégrer et faire jouer l'idéologie dans la manière dont ils vont s'exprimer et dans ce qu'ils ont à dire. Et effectivement, après avoir exhibé finalement cette espèce de petite structure, la référer à une théorie matérialiste oui, qui existe, effectivement. une théorie matérialiste. C'est-à-dire, au fond, il y aura le discours, le niveau idéologique, le niveau de la subjectivité, je dirais, plus profonde, et ou le niveau de la structuration de la subjectivité qui produit ce genre de discours idéologique, et après, le niveau de la science. Mais c'est au niveau de la science où je dis, je préfère éviter tout psychologisme, la mesure où, science entre guillemets, et je préférerais utiliser une science matérialiste, marxiste, pour tenter dans parce que si je dis ça, c'est pas pour simplement parce que j'ai des pudeurs, mais tout simplement parce que je crois qu'à un moment la psychologie ne donne jamais les clés, la psychanalyse ne donnera jamais les clés pour lutter contre ça. C'est un peu éventuellement rendre compte, mais pas donner les moyens de penser le dépassement de cette situation. Bah ça c'est clair qu'à part exhiber des structures, on voit pas bien ce que la psychologie ou la psychanalyse peut apporter comme solution. Enfin, même pas comme solution, mais en fait comme raison finale de ce type de comportement. Si tu réfères cette structuration à l'individu, dans ces cas-là, tu peux pas les révolutionner, tu peux pas prendre chaque individu et les révolutionner son inconscient, quoi. Non. Toi, mais si à un moment tu réfères les, tu renvoies les causes, tu imposes l'origine dans le fonctionnement de la société, tu peux pointer ce qui essentiellement produit ses effets pour tenter justement de contrecarrer les effets. Parce que c'est à l'extérieur que ça fonctionne. Si effectivement, le fait de payer sa baguette produit l'interdit de voter communiste, il faut peut-être promouvoir les moyens de payer autrement sa baguette. Ça peut être idiot, mais en bon agréable, mais on peut tout à fait penser qu'il faut totalement supprimer. Enfin bon, je dis ça, genre, sachant très bien que ça c'est faux, mais voilà, j'ai une idée, quoi. Dire, moi, tu analyses une cause extérieure et tu peux éventuellement trouver une solution pour quelque chose à faire pour tenter de combattre ça, quoi. Oui, effectivement. Bon, t'as quelque chose à dire encore? Non. Bon, on a assez parlé pour aujourd'hui. Début. Une première. Les questions politiques qui nous sont posées aujourd'hui. Carl ? Bon, la première mesure à inclure dans le programme du parti, c'est la diminution du prix du tabac. Et on ne peut pas travailler dans ces conditions. Moi j'ai rien à dire de spécial. Hein. On n'a pas terminé le point 1. Le point 1. Ça c'est le point noir. Du 28e. Du 28e au 29e congrès. Ah, du 28e au 29e congrès. Vous entendez ça les gars? Accrochez-vous. Voilà. Catherine va parler. Catherine va parler. Il n'arrête pas de parler de forum, et on ne sait toujours pas ce que c'est que ces forums. Si, on sait ce que c'est que ces forums. Non, on ne sait pas ce que c'est. Mais bien sûr que si, ils ont eu lieu les forums. Oui, d'accord, mais t'as assisté à un forum, t'as vu des trucs sur les forums. Oui, j'ai eu. Si, on a eu plein de choses. Ils ont eu des comptes rendus du mat des forums pendant ces derniers mois. On a même été invité à un forum. Tu les as lus? Oui, j'ai lu un peu ce qu'ils disaient. Et si, on sait ce que c'est tout à fait que ces forums, mais le forum même qu'ils en ont parlé au journal télévisé quand il y a eu celui de Paris, parce que le parti avait réussi à remplir le Zénith. Bon. Même Bercy, non, Bercy. Pas le Zénith, Bercy. Alors, est-ce qu'on peut dire que, avec le mouvement social et les forums, la donne à gauche a été incontestablement quelque peu modifiée? Chacun a été conduit à se situer par rapport aux exigences exprimées par l'intervention citoyenne. Tandis que le pluralisme de la gauche et la place qui tient le parti se sont affirmés. On peut admirer la prudence de la formule. Ce sont incontestablement... Quelque peu. Un peu, quelque peu modifiés. Pas grand risque dans la formulation, oui. Oui, un tout petit peu. Ça s'est modifié, incontestablement. Non, c'est une bonne initiative, c'est fort. Hein. Ça n'a pas eu un très grand écho au niveau de la couverture médiatique. Bon, enfin, quand même. Non, c'était une bonne initiative du parti, ça. C'était une bonne initiative du parti. Est-ce qu'on peut dire que les élections donnent les meilleurs scores pour le parti? Est-ce qu'on peut dire que les élections donnent les meilleurs scores pour le parti? Quelles élections? Les élections générales. Le parti fait des scores plus élevés. Ouais. Bah, c'est plus élevé par rapport à... Je ne sais pas trop. Si, bah, par rapport au score très bas qu'on a fait à un certain moment, effectivement. On a retrouvé, ils ont un taux électoral qui a atteint les 9% assez régulièrement, 9-10%. Donc effectivement, par rapport au creux de la vague, on a atterri à 6, je ne sais plus combien. Hein. Avec la Joanie? Mais c'était pour la présidentielle, ça. Donc évidemment, on a remonté un petit peu la pente, ouais. C'est stabilisé aux alentours de 9-10% maintenant. Pour moi, j'ai un problème, c'est que... À qui ça s'adresse? Encore? Mais oui, mais j'ai oublié. Oh! Je sais pas, ça s'adresse à toi. Ça s'adresse aux militants. Non, mais ça s'adresse à moi et ça parle de moi en même temps. Ah oui? Bah, c'est normal, c'est ta presse. Non, mais au sens où, par exemple, il est écrit « il », donc les militants, adhérents, font l'expérience que l'esprit d'ouverture, la volonté rassembleuse, sont bien dimensions essentielles de leur identité communiste. C'est évidemment de grande portée pour la vie. Et l'idée qui était exprimée précédemment était... Enfin, je veux souligner des modifications intéressantes dans le regard que les communistes portent sur leur parti et sur eux-mêmes. Ils font l'expérience que leur initiative politique suscite l'intérêt et la sympathie, bien au-delà de celles et ceux qui jusqu'à présent s'intéressaient à ce que nous faisions. Ils font l'expérience, etc. Oui, mais les communistes. Oui. Bah oui, mais c'est difficile de trouver une autre formulation. On pourrait dire nous faisons. En même temps, à partir du moment où c'est le propre un peu du rapporteur souvent de se placer d'un point de vue en quelque sorte objectif et impersonnel, extérieur presque. Mais justement, qu'est-ce qui serait le plus malin d'utiliser comme formule? Quelquefois il dit je. Quelquefois il dit il, donc en parlant des militants, des gens du parti. Quelquefois il dit nous, quand il parle en général du bureau national. Ouais, il faudrait étudier ça après. Et au sein du bureau national, il dit je, quand il veut souligner quelque chose. Notamment dans les questions politiques qui nous sont posées. Bon, moi je comprends pas comment c'est structuré. C'est tout à fait clair dès le départ. Je comprends pas bien ce qu'il nous raconte. Bah, les questions politiques qui nous sont posées aujourd'hui. C'est clair. Oui. Oui, le titre est assez clair. Mais ce qu'il raconte dans les colonnes, à mon avis, il est beaucoup mieux. Bon. Alors, dans la première colonne, il parle de ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Jacques Chirac. En gros, que Jacques Chirac ne fait pas son programme. Mmh. Au sens, il avait dit que pendant sa campagne, il réduirait la fracture sociale, entre guillemets, et qu'il avait promis de faire de la lutte contre le chômage la priorité de son action, la priorité de son action, et il ne le fait pas. Mmh. Originalement. Mmh. Ensuite, il dit que la France, les citoyens français, sont dans des situations de plus en plus extrêmes. Pauvreté, précarité, exclusion, chômage des jeunes, etc., etc. Ensuite, il y a un paragraphe qui s'appelle le cataclysme social que la droite s'apprête à provoquer. Mmh. Il parle de l'impopularité persistante du gouvernement et du Premier ministre. Mmh. Il dit que cyniquement, Juppé est allé dire à l'Assemblée qu'il n'était pas d'autre politique possible que la sienne. Mmh. Et que la perspective était à l'austérité renforcée et à la déréglementation accélérée. Mmh. Et il passe de cette politique intérieure, finalement, à la justification que c'est dû à Maastricht et à l'échéance de la monnaie unique qui approche. Mmh. Mais finalement, il dit rien. Non, ça ne dit rien. Bah, il ne dit rien d'autre. Mais dans les autres colonnes. Bah, je sais pas ce qui, je sais pas comment c'était fait dans la préparation des autres congrès, mais là, c'est pas ce qu'il dit, quoi. Enfin, moi, je comprends pas ce qu'il dit. Bah, tu comprends pas ce qu'il dit. Je comprends pas ce qu'il dit au sens où j'ai l'impression qu'il ne dit rien. Pas grand-chose. Mais bon, je sais pas le... Il en arrive à quelle conclusion? Je sais pas, je suis pas encore arrivée aux conclusions. Ah bah voilà. Non mais là, t'en es où là? T'en es là? T'as vu ça? Ouais. Eh bah faut y aller le reste aussi. Ouais, j'ai pas dit qu'il fallait pas y aller le reste. Mais... D'accord, bon alors vas-y, qu'est-ce qu'il propose des titres? Alors, une guerre économique dévastatrice. Donc en fait, dans la guerre économique dévastatrice, il est en train de dire qu'on constitue l'Europe comme... comme un pôle de défense, finalement, contre le dollar et le yen. Et qu'on fait du mark, la monnaie forte, qui va s'opposer dans la guerre économique à ces deux autres monnaies. Mmh, c'est juste. Bon. Ok. Ensuite, il parle... Toujours dans cette colonne de guerre dévastatrice, il parle de ce qui s'est passé en novembre et décembre dernier. Et là, il note une exaspération qui grandit, de plus en plus grande, et que c'est aussi une exaspération vis-à-vis de la construction de l'Europe telle qu'elle est pensée. Moi, j'ai pas l'impression que les mouvements de novembre-décembre, c'était exactement ça qui était dit. Si. Qu'est-ce qui était dit avant? Bah, j'ai oublié ce qui était dit, évidemment. Bon, c'est un raccourci où on n'est pas assez un peu vite de l'objectivation à l'intention, mais bon, on peut supposer qu'il y a effectivement certaines contestations de l'ordre tel qu'elle se fait dans les mouvements sociaux. Mais l'analyse, elle est importante que par rapport aux conclusions qu'il en tire. Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être les lire. Il faudrait que tu passes dans les dernières colonnes du chapitre. Bon alors, ensuite il y avait des attentes et des craintes, il y avait l'intervention politique du parti. tout cela souligne à mes yeux la nécessité et l'importance de l'intervention politique du parti, d'abord parce que c'est son rôle de parti politique, sa raison d'être de parti communiste, attaché au sort de notre peuple et à la transformation de la vie qui est la sienne. Ensuite, parce que personne ne le fera à sa place. Bon, ça commence comme ça. Et sur la nécessité de discuter, d'organiser des débats et des initiatives nécessaires à la construction d'une perspective alternative de progrès. Bon, ben, parlons. Ensuite, autre paragraphe, ne pas opposer lutte immédiate et perspective. Faire plus pour les luttes et pour la construction politique. Ensuite, poursuivre ce que nous avons engagé avec les forums. Après, la voie est désormais ouverte. À quoi? Eh bien, sans doute à la réflexion. Parce que la seule chose qui importe visiblement pour eux, c'est qu'on parle. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais on veut le faire. Du type, à cet égard, il importe bien sûr de ne pas se percer d'illusions. Il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais la voie désormais ouverte pour aller de l'avant. C'est le sens des initiatives que j'évoquais tout à l'heure, les ateliers de réflexion que nous voulons mettre en place pour travailler avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent sur les grandes questions de société et enrichir nos propositions pour résoudre les problèmes. Les espaces de dialogue qu'il nous faut inventer pour permettre de donner permanence et consistance au travail en commun, à la discussion des citoyens, des forces politiques de gauche, des progrès écologistes, qui ont été le fait nouveau et si largement marquant des forums, etc., etc. Et continuer avec ces forums, qui est la grande idée de Robert Hue, quand même, faut le dire. Il n'y en a pas eu d'autres, mais celle-là, il s'est content de l'avoir eue. Et donc, il faut continuer à parler. Bon, mais si c'est ça, si les questions politiques qui nous sont posées aujourd'hui, c'est... Ça se processe pas après ça, non, de responsabilité de parti dirigeant politique. Ah. Or, ce choix que nous faisons de consacrer nos efforts au développement de l'intervention citoyenne ne signifie évidemment pas l'abandon des responsabilités qui nous incombent et que nous devons assumer comme parti politique, comme dirigeant politique. Il s'agit pour nous d'être pleinement parti d'opposition à la droite et parti de proposition à l'initiative pour le dialogue et l'action concrète et rassembleuse. Bon, moi, je suis désolée, il n'y a rien, quoi. C'est juste. Non, écoute, franchement, okay. Est-ce que c'est comme ça, les autres années? Oui. Ah oui, mais bon... Non, mais c'est toujours comme ça dans le parti, de façon générale, pas que pour les congrès, d'ailleurs. Bon, alors quand il dit par exemple « gagner pour la gauche », c'est selon nous répondre à l'attente profonde des changements des Français susceptibles de la porter au pouvoir, et pour ne pas les décevoir, le problème n'est pas d'annoncer ce que l'on ne va pas faire, mais de dire au contraire ce que l'on va faire pour être à l'unisson de leur inspiration. Bon, quand est-ce qu'on pense, quoi? Ben, je veux dire, si penser, c'est prévoir de se réunir pour penser, moi j'ai l'impression qu'on est à la fac, hein. Non, un peu quand même. Ça fait un peu où tu vois, les JCR, bon, on va au local, on va en parler, quoi. Alors qu'a priori, on en parle au café, mais que bon, on va aller au local, on va avoir l'impression d'y penser davantage. Ouais, c'est une critique des socialistes. Oui, non, mais ça, j'ai bien compris que c'était une critique des socialistes, mais c'est intéressant comme critique, mais... Bah, il va... Les socialistes aussi, ils n'arrêtent pas de se réunir pour penser. Ils pensent là, tellement qu'ils disent plus rien d'ailleurs. Ouais. Non, mais, en tous les cas, ils fixent l'objectif à la réflexion. Il ne s'agit pas de dire ce qu'on ne va pas faire, mais il s'agit de dire ce qu'on va faire. Ouais, ok. Et il va le dire un jour dans le texte ou pas? Non, non, parce qu'il n'y a plus que deux colonnes. Alors, nous voulons passionnément l'union. Ah, ben voilà. Alors, ils veulent l'union de toutes les forces de gauche. Mm-hmm. Ce qu'ils nous racontent depuis le début d'ailleurs. Alors, l'union de toutes celles et de tous ceux dont le rassemblement est nécessaire pour battre la droite et faire une politique réellement différente de celle du passé. Alors, construire l'union nouvelle, nécessaire au changement, suppose évidemment pour les communistes créativité, dynamisme. Donc, je suis à peu près sûre qu'il va nous dire qu'il va falloir qu'on parle à des tas de gens intéressants, du type écolo. Construire l'union nouvelle, donc nécessaire au changement, suppose évidemment pour les communistes Cela suppose aussi un parti plus fort du nombre de ses adhérents, de leur engagement résolu dans sa mutation, c'est-à-dire dans son choix de l'ouverture, dans son effort pour être utile à notre peuple, dans sa volonté d'être attrayant, pour que celles et ceux qui souhaitent le changement reconnaissent leur aspiration. Mais il n'a rien à dire, et puis quoi, être attrayant, alors on va se mettre des mini-jupes, et puis on va aller... Non, mais je sais pas, il pourrait peut-être faire attention au terme qu'il utilise, et... Bon, qu'est-ce qu'il veut dire, d'après toi, dans tout ce paragraphe, dans tout ce chapitre? Il veut transformer le parti en association, voilà ce qu'il veut. Non. Bah, moi, c'est ce que je comprends, en tout cas. En association, on discute. Stabilité. Mais non, mais c'est pas une question d'être stabilité, hein, mais écoute. Hein. Qu'est-ce qu'il veut faire? Dans les questions politiques qui nous sont posées aujourd'hui, moi je ne vois pas ce qu'il. Enfin, si votre ouvert à l'écoute, rendre le Parti communiste plus acceptable, ne plus effrayer les gens, faire preuve d'empathie avec nos citoyens, de manière à ce qu'ils se reconnaissent dans le parti, ouais, et qu'ils votent pour le parti. Ouais. Voilà ce qu'il nous raconte. Donc effectivement, il faut, presque faire, je sais pas moi, il faut aller dans toutes les organisations. Je vais du café. Faire une présence par continue. Et puis non, moi je sais pas parler toute seule quoi. Si, parle comme seule, tu peux. Non, mais c'était comme ça. Ouais, c'est toujours plus ou moins comme ça. En fait, le problème, c'est que on cherche à définir des moyens, mais les fins sont jamais dites explicitement. Là, c'est encore pareil. En gros, en première partie des questions politiques, il analyse plus ou moins la situation très rapidement. En gros, c'est toujours sa même idée. Le parti peut utiliser la déception des gens éprouvée suite à la défection de Chirac. Oui, de Chirac. Oui, c'est lui. Ah oui, ça veut dire Chirac. De Chirac. De Chirac en tant que président et par rapport à son programme électoral. Le parti peut donc s'appuyer là-dessus pour faire levier et pour faire basculer l'opinion en sa faveur. Oui. Attends, je continue. Donc ça, c'est la première analyse. Ça fait longtemps qu'il dit au début... Hein? Oui, je... Ouais. Alors, ça a fait grincer les dents. Au début, c'était son idée d'opposition constructive. Il fallait... L'idée de l'opposition constructive, c'est pas compliqué. C'est que, dès le départ, on pouvait faire le pari que derrière le programme de Chirac ne serait jamais rempli. Donc c'était en quelque sorte, par une opposition constructive, inciter les gens à pousser Chirac à exécuter son programme. Il s'est fait casser évidemment par le parti. C'est une mauvaise idée de toute manière. C'était clair que ça ne marcherait jamais. Non. Mais attends. Bon, ça c'est la première année. Donc il reprend plus ou moins ça en disant qu'au fond, encore une fois, il nous dit qu'il y a des potentialités pour le parti. Les gens sont déçus de Chirac. Or, ils ont voté pour Chirac sur la base d'un programme social qui avait pour objectif de réduire la fracture sociale. C'est son analyse. Ensuite, il dit que pour utiliser cette potentialité, cette contradiction, il faut définir le moyen de créer une véritable alternative à gauche par le dialogue et par la rencontre et par la construction tous ensemble de discussions, esprit d'ouverture, etc. Pour faire quoi finalement? Conclusion, pour offrir une alternative à la droite en tant que gouvernement. Oui, mais attends, moi je voudrais revenir sur quelque chose. Parce qu'il me semble que son analyse politique, elle n'est pas très bonne. Hein. Elle n'est pas très bonne au sens où postuler hein, que les gens qui ont voté Chirac sont déçus de Chirac. Oui, il y en a quelques-uns qui sont déçus par Chirac. Plus que quelques-uns, alors. Attends, il fait encore 43% dans les sondages. Hein. Et Juppé, pareil. Bah, à un moment, ils aiment beaucoup moins, quand même. Ouais, au moment de novembre-décembre. Mais depuis novembre-décembre, il y a quelques mois qui s'est écoulé, hein, qui se sont écoulés. Et depuis, il a repris... Ouais, mais c'est les plus mauvaises cotes de popularité des présidents de la 5e République, qu'il cumule depuis qu'il est élu. J'ai un souvenir de Fabius, par exemple, qui était hyper plus bas. Ouais, mais d'accord, mais pas Mitterrand. Bah oui, mais Juppé, il est descendu à 23%. Mais est-ce que tu crois que les gens ont voté pour Chirac sur le programme de la fracture sociale? Ouais, je crois. Je crois qu'une bonne partie de l'électorat, effectivement... Moi, je crois pas tellement à ça. Bon. On va analyser plus précisément, mais enfin, d'après toutes les analyses que moi j'ai pu lire, effectivement, c'est un peu cohérent. Il y a beaucoup de gens qui effectivement, ont vu en Chirac, justement, parce qu'il proposait une politique nouvelle, différente de celle que les socialistes avaient eue. Donc il donnait le sentiment qu'effectivement il fallait changer de politique pour arriver à remplir les objectifs que les socialistes avaient échoué à atteindre. C'était un parti justement proche du patronat. Non, ils ont pas voté pour ça, t'as bien vu. On faisait la remarque, à un moment, il y avait une confusion, quand il y avait Chirac qui parlait, il y avait Chirac et Jospin, on a l'impression que Jospin était le type de droite et que Chirac était le type de gauche. On s'est bien fait la réflexion pendant toute la campagne que Chirac est en train de se faire élire sur un programme de gauche. Ouais, mais attends, c'est postulé que les Français ont plus d'aspirations... à voter à gauche qu'à voter à droite, hein, des programmes de gauche en tout cas, pour des types de droite. L'avantage de Chirac, en quelque sorte, c'est qu'il a joué sur deux tableaux. Ceux de droite ont voté pour lui, et puis la frange, une frange de la population qui était plutôt séduite par un programme de gauche, s'est laissé séduire par cet homme et son programme de gauche, parce que justement cet homme en même temps, semblait avoir la capacité à remplir son programme, à tenir son programme. Parce que de droite. Mais bien, il y avait une partie de l'électorat de François Mitterrand qui est allé chez Chirac. Moi, je crois que l'analyse, elle est pas fondamentalement fausse. Qu'effectivement, Chirac s'est quand même fait lire son programme avec un programme de gauche. S'il n'avait pas eu ce programme de gauche, à mon avis, il ne serait pas passé. Ouais, je vais réfléchir, mais moi, j'en suis pas certaine, ça. Je crois qu'effectivement, l'utilisation de la fracture sociale et la volonté que Chirac exprimait pour la résorber, effectivement, a fait que beaucoup de gens... que certaines personnes ont voté pour Chirac, mais à mon avis, ils élisent dans Chirac avant tout un mec de droite. Mais c'est clair, oui, qu'ils élisent un mec de droite, mais ils élisent un mec qui proposait une autre politique que celle des socialistes. Il faut bien voir que c'est lui qui proposait d'augmenter les salaires, de diminuer les impôts, la pression fiscale, de refaire une plus grande justice fiscale, une plus grande justice sociale. Donc, contraindre, il apparaissait comme il allait contraindre les entreprises à engager des gens, à créer de l'emploi. C'est ça qu'il a promis Chirac dans tout son programme, dans toute sa campagne. Oui, mais que la contrainte, par exemple, d'obliger les entreprises à engager des gens était plus facile d'un mec de droite. Oui, mais bien sûr. Mais personne n'a contesté l'idée que c'est bien un mec de droite qu'ils ont élu. Mais c'est bien pour ça qu'il s'est fait élire, parce que finalement, il apparaissait comme un homme de droite qui allait appliquer un programme de gauche. Mmh. En gros, il combinait les deux avantages. Oui, puisqu'il avait le programme de gauche et en même temps c'est un homme de droite, donc il avait toutes les qualités. Alors que les gens, maintenant que l'analyse qui dit que, qu'une partie de son électorat est déçue de, du fait que Chirac n'applique pas son programme, je pense que c'est tenable. Maintenant, il faut voir jusqu'à quel point les gens sont déçus. Jusqu'à quel point ils ont cru que Chirac allait faire ce qu'il allait faire. Et tu crois que ce sont les déçus qui peuvent voter communiste? Non, mais là, le problème n'est pas que, tellement qu'ils votent que ces gens-là votent communiste. Ben, je sais pas, visiblement, puisque il revient à la fin de questions politiques qui nous sont posées, là, sur la fameuse étude qualitative. Bah, je pense que la stratégie est un peu différente, c'est un peu le décalage. En même temps que les déçus du chiracisme votent socialiste, mais que finalement les déçus votent socialiste parce que précisément l'action qui s'est faite autour du parti, par le parti, donc de réunion de la gauche, proposer une alternative, fait que la gauche est devenue plus crédible, et ce qui fait qu'aussi, donc le parti attire une partie de l'électorat socialiste qui est beaucoup plus à gauche au parti. Alors il s'agirait de descendre, de repiquer au fond l'électorat de gauche du Parti Socialiste vers le Parti Communiste, parce que justement ces gens verraient que le Parti est vraiment une force d'entraînement, de construction, et que c'est grâce à lui que cette union de la gauche, nouveau style, s'est faite, par rapport au caractère totalement amorphe du PS. Mais regarde, je ne voudrais pas revenir à des cas personnels, mais regarde ton père. Ben regarde ton père, ces derniers temps, qui se rapproche du parti. Dégoûté de l'inertie du PS et voyant ce que le PC essaie de faire, dans le style où il essaie de le faire, avec un esprit d'ouverture, il se rapproche du parti. Bon, ben tu peux penser que la démarche de ton père n'est pas le seul à la faire. Non, effectivement, mais mon père votera socialiste. Ça, t'en sais rien. T'en sais rien, Catherine, t'en sais strictement rien. J'en sais rien. Oui, t'en sais rien du tout. Écoute, Franck. T'en sais rien. Bon, ok, il va voter communiste. Mais t'en sais rien non plus. Je sais pourquoi il votera pas communiste et je sais pourquoi il votera socialiste. J'en sais rien du tout. Comment ça, j'en sais rien, ma maman, les gens, ils votent aussi pour trois raisons. Oui, mais t'en sais, tu ils votent pas par... Oui, ils votent pour trois raisons, mais justement, c'est parce qu'ils votent pour trois raisons qu'ils votent pour la présentation des connards, ces raisons. Bon, ok, ça va. J'ai pas la prétention de connaître mon père. N'empêche que t'es aussi surprise que moi, malgré toute la connaissance de ton père, de l'attitude qu'il a vis-à-vis du parti en ce moment. Bah, c'est surtout l'attitude du parti vis-à-vis de mon père. Peu importe, non mais quand même. Que cet aspect-là soit étonnant, c'est une chose, mais si le parti a aussi cette attitude vis-à-vis de ton père, c'est parce que c'est lié aussi à l'attitude de ton père vis-à-vis du parti. Ouais. Et que je t'en aurais parlé il y a 4 mois, tu m'aurais dit non, et tu aurais dit ah, « je connais mon père quand même ». Ouais, ok, bon. Il faut mieux pas parler de... Non, mais bon. De trucs personnels. Pourquoi ? Parce que ça n'a aucun intérêt pour commenter, pour préparer ce 21 de congrès. On réfléchit. Bon, ok. Bon, alors, qu'est-ce que tu disais d'autre? Moi, je disais rien d'autre, c'est toi qui te plains. Et non, je ne me plaignais pas, je te disais qu'à mon avis, l'analyse politique, elle n'était pas... Elle n'était pas ultra pertinente. Et c'est quoi l'analyse pertinente? Mais écoute, moi je sais pas ce que c'est qu'être communiste, mais à un moment j'ai l'impression quand je lis ça de lire. Voilà, par exemple, il vient nous raconter ce que Alain Duhamel dit à propos du parti, quoi. Sur le vote du parti. On sait très bien que ces gens, ils racontent des trucs un peu bizarres, quoi. Pourquoi tout d'un coup ces mêmes personnes diraient tout d'un coup des choses intéressantes? Qui qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il cite? Il dit Alain Duhamel, oui, hein, même pour Olivier Duhamel, Alain Duhamel. À ce propos, dans une chronique récente, ce n'est pas par hasard si, pour la première fois depuis plus de 20 ans, le PC regagne des positions électorales perdues. Chaque dimanche, le confirme depuis plusieurs mois, élection partielle après élection partielle, le PC a cessé de s'enfoncer inexorablement, il bouge à nouveau. C'est simplement pour confirmer, pour dire que ce n'est pas une simple lubie du parti, que le PC se tient bien dans les élections en ce moment. Parce que si même Alain Duhamel le dit... Justement. Si Alain Duhamel le dit... C'est une illustration. C'est pas une preuve, c'est une illustration. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais si tu as vraiment une critique, il faut la formuler. Non, j'ai pas spécialement de critique. Tout me semble bizarre, mais d'un autre côté, c'est sans doute parce que je sais pas ce que je sais pas ce qui est dit. Ce qui a été dit précédemment, qu'est-ce qui te gêne si on fait ça? Ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de particularité d'analyse, par exemple, qu'il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de réflexion, il n'y a pas de... Oui, propose-moi des réflexions. Il n'y a pas de choses... Le parti il manque de réflexion parce que les gens n'en proposent pas. Propose-en une. Mais j'essaie d'en proposer une, Franck. Qu'est-ce que tu crois que je fais sur base de cette étude qualitative, que je m'amuse le soir? D'accord, mais là, en termes politiques... En termes politiques, à un moment, il faudrait être un peu plus proche des choses et de savoir ce qui se passe. Moi, j'en sais rien. Ben oui, mais c'est toujours le problème. On critique toujours ce que fait le parti, mais après, les gens disent « Ah oui, mais moi, j'en sais rien. » Bon, ben alors... Non, mais attends, c'est son boulot, quoi. Ben, c'est son boulot qu'il y a chaque militant. Après, on dit, il n'y a pas de démocratie au parti, on n'écoute pas les gens. Mais qu'est-ce qu'ils ont à dire, les gens? Quand on leur demande, ah ben, j'en sais rien, c'est le boulot des autres, c'est le boulot, ils sont payés pour ça. Ben, alors, dans ces cas-là, qu'on les écoute. Il me semble, par exemple, de dire que, comme ça, on va servir, effectivement, de la déception survenue... Après avoir vu Chirac qui ne tient pas son programme, ça me semble pas relever d'une analyse politique excessivement poussée. Ben, justement, il ne faut pas excessivement pousser, comme tu dis, les analyses. Pourquoi elle devrait être poussée à l'excès? Elle ne doit pas être poussée à l'excès, forcément. Mais excessivement poussée. Ben, oui, pourquoi tu voudrais qu'elle soit excessivement poussée? Parce que, par exemple, cette déception, c'est quoi cette déception? Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette déception? Est-ce qu'elle est réellement profonde, cette déception? Est-ce qu'elle peut être utile au Parti communiste, cette déception? Non, c'est rien du tout. Hein. Cette déception, c'est une déception de quoi? Elle porte sur quoi, la déception? Tu vois, est-ce qu'elle porte sur le fait... Qu'on résorbe pas le chômage, là, est-ce qu'elle clair. Est sur les salaires C'est clair aussi. Oui, mais à quel niveau? Enfin, je sais pas, moi. Comment ça, à quel niveau? Évidemment que les gens sont déçus parce que le chômage ne diminue pas. Évidemment que les gens sont déçus parce que les salaires n'augmentent pas. Évidemment que les gens sont déçus parce que les cotisations sociales ont augmenté. Et que les impôts n'ont pas baissé. Évidemment qu'ils sont déçus de tout ça. Si tu en doutes, moi, ça m'étonne que tu en doutes. Comment peux-tu en douter? Mais j'en doute pas. Pourquoi le parti devrait en douter non plus si toi t'en doutes pas? Parce que d'un autre côté, il le dit pas non plus. Il le dit pas parce que c'est évident, parce que personne, parce que tout le monde sait qu'on voit, si on parle de la déception des gens, on a le programme de Chirac en tête, on voit ce qu'il a fait et on en déduit la déception. Pas de grand clair. Non. Non, il ne faut pas le conclure. par exemple, sur, sur l'Europe, je ne sais pas si les Français sont excessivement... Pourquoi tu dis à chaque fois « excessivement » ? Non, mais je ne sais, mais je sais pas, parce que c'est un tic de langage. Bon, je peux parler ou je ne peux pas parler ? Tu peux parler, mais ça, c'est vrai que tu dis « excessivement », ça me trouble. Pourquoi tu veux que ce soit excessif ? Je ne sais pas si, par exemple, les Français sont... la politique intérieure à Maastricht. Bah, à mon avis, oui, puisqu'on n'arrête pas de leur répéter. On n'arrête pas de leur répéter pour le parti, mais à chaque fois, on leur répète. On leur répète que c'est à cause de l'Europe qu'on fait ceci, c'est à cause de l'Europe qu'on fait cela. De toute manière, forcément, qu'on leur présente comme étant une nécessité, c'est une chose. Mais en même temps, à chaque fois, on en montre la liaison, le lien. Je crois que tout le monde est convaincu que de toute manière, d'ailleurs, à tort ou à raison. Parce que le doute peut s'installer justement sur la corrélation si facilement exhibée entre la construction européenne et la politique intérieure. Mais par contre, ce dont on ne peut pas douter, c'est que les gens, beaucoup de personnes en tout cas, font incontestablement le lien, puisqu'on ne cesse de leur dire que c'est pour l'Europe ou à cause de l'Europe qu'on fait telle ou telle chose. Mais quelle perception ils ont de l'Europe ? Ben, l'Europe, c'est la façon qu'on le redonne, de toute manière que c'est comme ça. Que c'est sans doute, c'est pas pour l'Europe ou à cause de l'Europe, mais de manière que l'Europe est inévitable, que c'est notre seule chance. Ce qui donne aussi, par redescente, par le lien de nécessité, donc ce qui se passe en France et qu'on fait pour l'Europe, nécessairement, est inévitable et la seule solution. C'est bien pour ça aussi qu'on sert tant l'Europe. On dit que l'Europe est inévitable, que c'est notre seule chance.